Écoutez Torre Latine demain. Radio Campus Lille, 20h. Je suis chômeur de mon état, je m'appelle Ticu la chance. Poignée mariée, trois filles de gars, merci pour l'assistance. Comme on a un pays loin de l'eau, ils ont fermé le chantier de bateau. Tu les as laissé faire. Comme j'ai pas posé de bombe par là, puis que ça faisait peut-être ton affaire, tu penses que je m'en aperçois pas? Tu penses que je m'en aperçois pas, parce que je vois pas la caisse. Tu te penses en haut, tu me penses en bas, du moment que je me baisse. Je me baisse pour choisir le caillou, avant que tu le vendes avec le trou, d'avant, d'après la guerre. Parce que tu me fournis mon tabac, parce que tu m'as payé une bière, tu penses que je m'en aperçois pas? J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde le rapataire qui écrive nos lois. Société caca, société pipi, société capitonné capitaliste. Société caca, société pipi, arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est la voix sans maître qui arrive dans le studio de Radio Campus 106.6 FM de 20h à 21h. Et du coup, ce soir, on va causer de différentes choses, notamment du procès des flics qui ont été à l'origine des émeutes de 2005. On s'en rappelle peut-être et on y reviendra dans la suite de cette émission. Et comme toutes les semaines, on va d'abord commencer par l'agenda politique et militant et culturel du Centre culturel libertaire, mais pas que. Et du coup, voilà. Et ça commence dès ce soir par quelque chose qui a déjà commencé depuis une petite heure, peut-être. Du coup, si vous êtes du côté du Centre culturel libertaire, 4 rue de Colmar, vous pouvez encore y courir si vous voulez participer à ça. C'est une discussion qui s'appelle « Féminisme et abolitionnisme du système carcéral ». Et du coup, l'objectif, c'est de revenir sur la manière dont les mouvements féministes et abolitionnistes peuvent se rencontrer, alors que il y a une idée comme quoi c'est plutôt elles sont plutôt en contradiction parfois. Et l'idée de cet atelier, c'est de montrer que il y a des moyens d'assumer des positions politiques qui soient et féministes et contre toutes les prisons. Du coup, ça a commencé à 19h ce soir, et du coup, ça doit pas être encore terminé. Si vous êtes du côté du CCL, vous pouvez y courir. Et sinon, on va poursuivre l'agenda. Alors du coup, le samedi demain, à Calais, au parc Richelieu, il y a une manifestation pour la journée mondiale contre le racisme. Donc il y a un appel à manifester pour la journée mondiale, je répète. Et en fait, ça prend contexte par rapport à l'attaque de Charlie Hebdo, suivi de l'attentat antisémite de la porte de Vincennes. Et du coup, on condamne ces meurtres et on refuse que cela soit utilisé pour banaliser l'islamophobie et renforcer les politiques d'État raciste et liberticide, nous refusons que cela soit utilisé pour légitimer les théories d'un choc des civilisations qui dressent des populations les unes contre les autres en raison de leur religion réelle ou supposée. Nous condamnons l'islamophobie et l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, comme nous condamnons les stigmatisations contre les quartiers populaires. Alors forcément, on refuse les actes négrophobes, on refuse aussi la chasse des migrants, migrantes, la chasse des Roms aussi, et les limitations à la liberté de circulation. Nous refusons toute restriction à nos capacités de résister aux politiques antisociales au nom d'une union nationale. Nous refusons de nous résigner à la montée de l'extrême droite, qu'elle prenne la forme du Front National, des groupes ouvertement fascistes et agressivement islamophobes et ou antisémites. Nous dénonçons les gouvernements qui ont renforcé la chasse aux sans-papiers, le quadrillage des quartiers populaires et qui contribuent pleinement à la montée du racisme et des idées réactionnaires, notamment homophobes et sexistes. À cela, nous opposons notre volonté de vivre ensemble et notre exigence d'égalité des droits et de justice sociale. C'est pourquoi le 21 mars, nous manifesterons ensemble en France et dans tous les pays du monde contre le racisme et contre le fascisme. Pas de discours, d'égalité ou rien. Donc nous exigeons... Une petite liste de revendications. Ouais, petite liste de revendications. Alors, la fin des contrôles aux faciès, l'arrêt des démantèlements des camps de Roms, le retrait des lois racistes dirigées contre les musulmans musulmanes, le retrait des lois liberticides et sécuritaires, la régularisation de tout et toutes les sans-papiers avec une carte de séjour de 10 ans, la fermeture de Frontex, des centres de rétention et la liberté de circulation et d'installation. Le droit de vote aussi des étrangers. Parce que notre indignation n'est pas sélective, nous n'oublions pas, aux côtés des victimes des attaques de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, les milliers de migrantes disparues en Méditerranée et ailleurs, les victimes des violences policières dans nos quartiers, ainsi que Rémi Fraisse, manifestant tué par la police. Nous n'oublions pas les morts mortes de Gaza, les hommes du Nigeria et de Kobané, et toutes les victimes de la guerre, comme nous n'oublions pas les victimes de la violence d'extrême droite. C'est en leur mémoire que nous appelons à descendre massivement dans la rue le 21 mars prochain, le 21 mars qui est demain. Voilà, et du coup il y a plusieurs appels, il y a un rassemblement à Paris, il y a des rassemblements partout en France, et du coup il y a un rassemblement à Calais, Rancard, à 15h par place, Richelieu, ouais. On continue cet agenda avec un rencard demain aussi, si vous n'allez pas à Calais, avec un atelier surréaliste, comme ça que ça s'appelle, au CCL demain à 15h, qui est un atelier d'improvisation libre. Et toujours demain, il y a une assemblée générale à l'Insoumise, qui est une assemblée générale, du coup l'Insoumise c'est une bouquinerie occupée, du coup un lieu sans patron ni marchand, et qui est un lieu sans droit ni titre aussi, c'est-à-dire que c'est il n'y a pas de titre de propriété ni de contrat de location pour l'Insoumise. Et du coup... il y a une AG pour s'organiser face à l'expulsion de l'insoumise qui menace, puisque les huissiers sont passés et que la police veille dans le quartier. Du coup, l'AG, c'est à 16h demain, et du coup, l'insoumise, c'est 10 rue d'Arras. Voilà, voilà. Le lundi, bah, du coup, le lundi à 23, rappelons toujours que de 12h à 14h, il y a la cantine vegan au CCL. Et toujours le lundi 23 à 20h30, il y a un concert, du coup... Non, il y a trois concerts, attention, au CCL. Donc il y a Convulsif, Caudal et Nosk. Alors qu'est-ce que c'est ? Convulsif, c'est du black metal noise. Caudal, c'est de la drone, code rock. Et Nosk, c'est expérimental noise. Je ne connais pas du tout. Et bien, ça sera l'occasion de découvrir. Et juste, on peut rappeler qu'au CCL, les concerts et la plupart des activités sont à prix libre, c'est-à-dire que chacun, chacune est invité à donner ce qu'il veut ou ce qu'elle peut. On continue cet agenda avec un rencard mardi 24 mars à 19h à l'Insoumise 10 rue d'Arras, avec une réunion publique organisée par l'Initiative communiste ouvrière et solidarité Irak, qui est une réunion publique avec Dashti Jamal, qui est un communiste kurde irakien et qui est en tournée d'informations dans le pays. Et du coup, l'idée, c'est de faire un petit point sur la situation dans cette partie du monde où c'est particulièrement compliqué et difficile en ce moment. Du coup, de faire un point sur la situation du Kurdistan et de toute cette zone. De la lutte contre l'État islamique, Daesh, mais aussi de la lutte contre Bachar al-Assad, Et voilà, de voir un peu les perspectives qu'il y a pour des mouvements d'émancipation dans ce climat de guerre où on a un peu du mal parfois à retrouver des points pour y voir clair. Du coup, c'est une rencontre qui peut être vraiment bien si on veut savoir un peu qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que les gens qui se battent pour des mouvements communistes et révolutionnaires qui sont sur place en Irak. Voilà. Du coup, ça c'est mardi à 19h à l'Insoumise. Exactement. Et alors le lendemain, rappelons que comme toutes les semaines, il y a la manif des sans-papiers. Toujours à 18h30, toujours partant de Répu. Et alors le mercredi, toujours de 25 à 19h au CCL, il y a une réunion publique, atelier, à propos de la gestion collective des soirées au CCL. Donc, peut-être, je viens de dire un petit mot. Un petit peu plus. Ouais. Du coup, c'est une réunion publique, donc atelier, comme on vient de le dire. Et en fait, c'est l'idée de se dire qu'il y a pas mal de monde qui fréquente le CCL, des gens qui y reviennent de manière régulière. Et puis, il y a des gens qui s'y impliquent un peu plus. Il y a plein de gens qui filent des coups de main et des choses comme ça. Et du coup, c'est un temps qui est destiné à voir la manière dont chacun, chacune peut s'impliquer au CCL sans forcément scoltiner toutes les réunions et tous les trucs, mais la manière dont on peut s'organiser pour que les choses qu'il y a à faire pour que le CCL vive et que ça se passe bien au CCL soient un peu mieux réparties. Par exemple, s'organiser pour distribuer le programme, s'organiser pour faire le ménage, s'organiser pour tenir le bar, s'organiser pour que les gens qui sont pénibles pendant les soirées, on s'en occupe ensemble et que des choses comme ça. Ah, c'est bien ça. Voilà, du coup ça c'est à 19h mercredi au CCL. Ok. Et du coup, toujours au CCL, il y a deux rencarts pour grailler comme toutes les semaines. C'est le petit-déj vegan le jeudi matin de 7h à 9h30 et la cantine le vendredi, comme le lundi, de midi à 14h. Tout est vegan. Exactement. Et pour une fois qu'on a bien mangé, bien dansé, le, le vendredi 27, il y a au CCL, il y a trois concerts, papa, à 21h. Donc il y a Moïrid sans ça, je ne vais pas m'en sortir. Moïrid Sawada, plus Max. Non, attends, Max Manak. Ouais, merci. Et Brutal Orgasme. Alors, Moïrid Sawada, c'est du snare drum solo. Max Manak, c'est bruit libre. Et Brutal Orgasme, c'est de la free noise. Ok, ok. Voilà, putain, joué. Et du coup, cette même soirée de vendredi prochain, c'est-à-dire pas aujourd'hui, puisque vous n'y êtes pas, mais la semaine prochaine, si vous n'écoutez pas Radio Campus, vous pouvez aussi aller au Dialogue Théâtre, qui est rue de la Clé à Lille, où il y aura Alors, qu'est-ce qu'il y aura ? Chronique dystopique. Voilà. Il y aura des présentations de plusieurs scènes et de lectures qui s'appellent du coup Chronique dystopique et qui est pour revenir sur les thèmes de la contre-utopie, puisque une dystopie c'est une utopie à l'envers. Du coup, 1984. Voilà, c'est-à-dire un futur imaginé mais plutôt horrible. Ouais. Tout ce qu'il y a de pire. Et du coup, de regarder qu'est-ce que nous réservent les contre-utopies technologiques et machiniques. Et du coup, c'est organisé par la compagnie Proteo, Aurélien Albertini. Et je crois que Orsol est pas très très loin de cette affaire-là. Voilà, voilà. C'est à 19h30, rue de la Clé, au Dialogue Théâtre. Puis c'est un truc pour en dire un petit peu plus. Vas-y, aussi, pardon. C'est... C'est basé sur des ateliers, du coup des propositions d'acteurs, enfin voilà, de comédiens aussi, et voilà, autour de qu'est-ce que chacun pense de la dystopie. Voilà, c'est pas mal pour avoir vu le début au début de l'année. Et juste, l'entrée est libre, mais c'est indiqué que c'est mieux de réserver soit par mail à l'adresse suivante orsol-sol, donc HORS-6SOL, @herbefolle.org, ou auprès de la librairie du coup Dialogue Théâtre au 03 20 55 76 11, 03 20 55 76 11. Okay. Et bah, bon, c'est fini pour le théâtre, du coup. Bah, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah, alors, du coup, on enchaîne avec une manifestation. Et ben voilà. Ouais, ouais. Petite manif, là, le 28 mars, il y a la manifestation contre les expulsions, qui est à l'initiative des APU. Alors, pour rappel, les APU, c'est Atelier Populaire d'Urbanisme. Alors, c'est le rendez-vous, c'est à Grand Place et il est à 14h. Voilà, voilà. Donc, et peut-être juste, ouais. cette manif, c'est une manif qui a lieu souvent tous les ans à cette période-là. Mmh. C'est que c'est la manif fin de la trêve hivernale. Du coup, même s'il y a des expulsions aussi pendant l'hiver, mais la fin de la trêve hivernale, ça marque souvent aussi l'accélération des expulsions des locataires et des squatteurs. Exactement. Et on termine l'agenda avec deux rencarts du week-end prochain. Du coup, l'Assemblée Générale mensuelle du Centre Culturel Libertaire, qui a lieu samedi 28 mars à 14h30 au CCL, du coup, qui est une assemblée qui est ouverte à toutes et tous, et qui est la réunion durant laquelle tout ce qui se passe au CCL est décidé, où il y a moyen de venir si on veut juste faire le curieux ou la curieuse, et il y a moyen aussi de venir si on a quelque chose à proposer au CCL, c'est là que ça se passe. Du coup, ça, c'est différent du 25 mars à propos des ateliers là, qui sont au CCL Alors en fait, du coup, le 25 mars, c'est une réunion qui est plutôt pour une vocation de discuter et de discuter et d'échanger. D'accord. Et alors l'Assemblée Générale, c'est un moment qui est où on prend des décisions, c'est-à-dire que par exemple la réunion du 25 mars, on ne prendra pas de décision, on verra juste la manière dont on peut mieux faire des choses ensemble, mais le CCL, les décisions, elles sont prises en Assemblée Générale, du coup ça sera le 28, le samedi. Et où, du coup, le 28, ça sera aussi l'occasion de causer de toutes les autres choses du CCL, c'est-à-dire les comptes, la trésorerie, les chantiers à venir, tout un tas de choses comme ça. D'accord, ok. Ok, ok. Et on finit avec le dernier petit... Ouais. Du coup... Tu veux... Non ? Oui ? Allez, vas-y. Allez, je termine cet agenda avec, du coup, un rencard le dimanche 29 mars. Qui aura lieu en partie à l'Insoumise, mais pas que, qui s'appelle Salle R, Salon des Nuisances, qui est une après-midi de midi à 18h autour de d'écoute, de lecture, d'échange de disques, et qui rassemblera des labels DIY, des distros et des collectifs qui viennent de Lille, mais aussi d'ailleurs de Belgique et de Reims aussi, je crois. Des choses comme ça. Du coup, il y a aussi une bourse d'échange. Du coup, c'est possible de ramener des trucs si on veut échanger des bouquins et des disques. Et puis, le samedi soir, avant, il y aura un concert au donjon rue Paul Lafargue à Oisem. Et en parallèle, le dimanche 29, un atelier de sérigraphie gratos au Kajibi, qui est juste dans le début de la rue d'Oisem. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, toutes ces rencarts, il y a deux sites sur lesquels on peut les retrouver tous. C'est Démosphère. Alors, il y a Démosphère, mais il y a aussi Indie Media Lille, du coup lille.indiemedia.org, et aussi Cybertaria, lille.cybertaria.org, et aussi Démosphère, si on veut, lille.démosphère.eu, je crois. Ok. Et du coup, peut-être qu'on va s'écouter un petit morceau de musique, et puis on reviendra juste après avec la suite de cette émission. On peut rappeler que pendant la pause musicale, vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00, 03 20 91 24 00. Et puis tout de suite, on écoute un morceau de hip-hop pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir à la soirée d'il y a deux semaines au CCL. Parle à peine trois mots de berbère, je vais rarement l'été au bled. Mais j'oublie pas que ma mère n'est pas née ici. Histoire partielle, archives bloquées en matière de travail forcé, d'esclavage, la colonisation, ces massacres, raison, ces chapitres au programme. Dom, tom, en territoire qu'on balaye en deux syllabes. 11 ex-colonies pour une situation régulière, cachetée par l'ONU, approuvée, applaudie par les bénéficiaires de l'exploitation. Tous métropolitains et blancs autour de la table, ils légifèrent. Félicitent les rapports des actions humanitaires. Dans la foule, ils blanchissent le reste. Légitime à l'étranger, la présence de leurs forces militaires à coup de référence à Voltaire. Mourir avalé aux prises de position forcées ou se laisser aller à faire comme si de rien n'était, comme si les propos déplacés n'étaient que des maladresses. Une fois réflexion faite, j'ai du mal à me voiler la face. Les compliments dégoulinants et les raccourcis douteux. Franco-algérienne, quel beau mélange. T'as comme un air de Rachida Dati, originaire du Maghreb, coupe de cheveux similaire. Vu qu'il la trouve charmante, je suis censé bien le prendre. Acculé quand on me vise, ni basané, ni blanche, de faire censé qu'on m'assimile. Quand je laisse planer le silence, j'ai un prénom qui laisse le doute. Mais mon nom s'y ajoute et ses sonorités bien sous, je me place du côté de cette douce France. Démocratie occidentale en croisade contre le monde arabe, à la chasse au fanatisme et aux pratiques barbares. Elles encouragent le développement de sociétés égalitaires, pendant qu'en arrière-plan, elles servent la vie sécuritaire. Remonte de vagues, relents de république coloniale, couvre-feu full réprimé, 17 octobre, nuit noire. Bains de sang torturés, aveux forcés au placard, aujourd'hui c'est la coopération qui est à l'ordre du jour. Développement durable, commerce équitable, les expatriés français embauchent bio et responsables, femmes de ménage bon marché dans leur maison coloniale. N'oublions pas qu'ils soutiennent l'économie locale. Tourisme à bas prix, dépaysement garanti, décor exotique à l'appel, évidemment inclus dans le pack, culture locale en rayon, dans la boutique de l'hôtel. Si vous êtes téméraire dans l'âme, parcours aventure en option. Découvrez la flore et la faune, rencontrez l'autochtone, excursion au cœur d'un village de couleurs vives, odeurs typiques. La maison privilégie l'échange à la simple visite, partagée avec l'indigène, une projection d'Indiana Jones. À l'heure, à l'aéroport, parrain mon passeport vert, 2 heures de vol et on m'accueille à bras ouverts, tension tacite. Trop de ressorts me dépassent, mais je fais si bien la française, mes absences et mes réflexes me rattrapent à toute vitesse. Je parle à peine 3 mots de kabyle, je compte même plus le nombre de fois où j'ai dit que je m'y mettrais, mais en français c'est plus facile. Pour couronner le coup, mon argent vaut plus que le leur, aucune notion de sa valeur, envie d'acheter pas cher. Boum, et après tant d'années, la tête retournée, je préfère renouer le contact, même par intermittence, plutôt que d'essayer un tact, cet état te fait tout garder à distance. Ils m'appellent la française, mais je veux quand même voir grandir mes cousins et mes cousines, et à défaut de parler aux petits, mimer encore 2-3 Spider-Man comme une gamine, et de retour ici, éviter l'amnésie et bien garder en tête que j'emmerde cette France raciste. Vous êtes toujours sur Radio, Radio Campus. 106.6. La voix ouais. 100 mètres. La voix 100 mètres. Et alors, avant d'enchaîner, je pense qu'on avait une petite blague, c'est ouais, ça ? Alors, vas-y. Une petite blague. Alors, et c'est quoi un demi-flic ? C'est alors pas... c'est un flic qui sait ni lire. Voilà. Voilà. Et sans transition, on enchaîne la suite de cette émission. Et en fait, on va. La suite de cette émission, elle va être à peu près consacrée à des histoires d'émeutes et d'assassinats par les keufs de personnes pauvres, noires et jeunes. Et du coup, avec deux choses, on va commencer par revenir sur le procès qui a eu lieu cette semaine à Rennes, 10 ans après la mort de Zied Benno et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005. Et puis dans la suite de l'émission, on traversera l'Atlantique et on causera un petit peu des émeutes de Ferguson d'il y a moins longtemps. Et on reviendra là-dessus, puis du coup ça reviendra, voilà, il y aura des trucs en commun dans cette situation-là. Et juste, qu'est-ce que c'était le procès qui avait lieu à Rennes là ? C'est que, peut-être que vous vous en rappelez, mais le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, il y a deux jeunes, des préadolescents qui sont vraiment pas très très vieux, qui, après... un vol qui est complètement du coup il y a trace nulle part sauf dans la tête de la police, il y a une course-poursuite dans Clichy-sous-Bois entre deux jeunes et la police, deux jeunes qui se réfugient sur un site un transformateur EDF et qui meurent. Et du coup, à la suite de la mort de ces deux jeunes poursuivis par la police qui n'ont pas bougé, il y a eu toute une série d'émeutes et de nuits d'émeutes, d'abord à Clichy-sous-Bois et puis après partout en France, Voilà, ça avait, on s'en rappelle sans doute. Juste, du coup, là, on est 10 ans plus tard, en 2015, et il y a un procès, du coup, contre deux flics qui sont impliqués dans cette histoire. Et un procès pour non-assistance à personne en danger, c'est le procès de deux flics. Un flic qui était du coup dans la voiture qui suivait les deux jeunes qui se sont réfugiés sur un site de EDF et qui sont morts électrocutés. Un flic qui a dit au téléphone qu'ils ne donnaient pas très cher de la peau des deux jeunes s'ils rentraient sur le site EDF, mais qui n'a pas du coup bougé après pour faire la moindre chose pour éviter que les deux jeunes gens meurent. Et du coup la standardiste qui a reçu cet appel et qui n'a pas non plus bougé le petit doigt pour que les deux jeunes aient une chance de pas mourir. Du coup, le procès, c'est un procès contre les keufs pour non-assistance à personne en danger. Il n'y a pas grande illusion sur le fait que les flics s'en sortent. Ça fait 10 ans qu'il y a des procès pour essayer de montrer l'implication des flics dans cette affaire, leur responsabilité dans la mort des deux jeunes. Et ils ont toujours été déboutés, comme la plupart du temps où il y a des personnes qui meurent directement à cause de la police. Du coup, il y avait ce procès-là qui avait lieu toute cette semaine à Rennes. Il y a eu toute une semaine de rencontres et de discussions autour justement des violences policières, autour des dernières affaires où des personnes sont mortes sous les coups de la police. On se rappelle notamment que la semaine dernière, à Montigny-en-Goële, il y avait une manif en hommage et puis en soutien aussi pour avoir une reconstitution suite à la mort de Lahousine Haït Ogmar, du coup à Montigny-en-Goële en 2013. Et du coup, c'était l'occasion du coup de ce procès à Rennes de rediscuter de quelle lutte face à la police, face à une police qui tue. Ça intervenait aussi, comme on l'a dit dans l'agenda, le contexte actuel et du coup de la manif antiraciste demain à Calais, mais du coup ça intervenait aussi dans un contexte où les flics, suite à l'attaque contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère, sont devenus des héros nationaux plus qu'ils ne l'étaient encore. Et du coup, ce qui est quand même un peu scandaleux et ce qu'il faudrait bien, enfin du coup ce qui est difficile à faire, d'autant plus difficile à faire entendre que la police c'est l'arme des gens qui nous oppriment. Du coup, dans la suite de cette émission, on propose d'écouter un petit extrait qui revient justement sur les émeutes novembre 2005 à Clichy-sous-Bois. Alors c'est un document qui à la base était un document vidéo, du coup vous n'allez pas avoir l'image mais vous aurez le son. Et normalement vous comprendrez quand même ce qui se passe. Voilà, et puis après on écoutera un petit morceau de musique et puis on causera de la situation des émeutes de Ferguson plutôt. On vous laisse avec le petit reportage sur du coup qui revient sur les émeutes de 2005. Alors évidemment, si j'ai pas allumé ça, ça. Capitalisme n'ayant plus rien à espérer. Ah pardon, ça ne va pas marcher comme ça. Alors excusez-moi, j'ai merdouillé avec l'affaire, mais tout va bien se passer. Du coup. Il a fait son boulard. Du coup, voilà, on revient avec un petit documentaire sur les émeutes. À l'entrée de l'hiver, les banlieues ont cramé, et c'est tant mieux. Parqués dans l'urbanité du capitalisme, n'ayant plus rien à espérer, à gagner, beaucoup se sont payés quelques feux de joie. Ça a été les hélicoptères autour de nos têtes la nuit, le couvre-feu, et pourquoi pas l'armée, pour finir la guerre. Ou alors, balancer du fric à toute la clique associative, des boulots de larbin pour faire patienter. Maintenant, ils nous bassinent avec leurs sociologues, leurs plans pour civiliser la banlieue. Certains se la ramènent à coups de dialogue, de place de citoyens, et encore une fois nous ramènent leurs conneries de bulletins de vote. Et alors, ça fera revenir nos copains butés par la police, ceux qui croupissent en tôle, ceux raflés et foutus dans des avions? Notre haine n'est pas négociable. De génération en génération, c'est la même carotte. Saccager ceux qui représentent l'État, ceux qui se pavanent pendant qu'on galère. Voilà le sens des émeutiers, de ceux qui ont la rage, de ceux qui ne veulent pas de la vie à laquelle on est condamné. Rien n'est fini. Ça ne fait que commencer. Le feu s'est propagé partout. Il se propagera de nouveau, de lui-même. Car cette révolte est plus profonde que tous les mots d'ordre. Des plus mouvements. Novembre 2005. Poursuivi par la police, deux jeunes garçons de Clichy-sous-Bois meurent électrocutés dans un transformateur EDF. Rapidement, la nouvelle se propage et déclenche une vague d'émeutes dont l'ampleur et la durée sont inédites en France. Partout, les quartiers s'embrasent. Et les images de ces banlieues qui brûlent vont faire alors le tour du monde. Dès le lendemain des événements de Clichy, par précaution, le quartier est investi massivement par les forces de l'ordre. Ainsi, le face-à-face jeune police a bien lieu, avec son lot de feux de poubelle et de voitures incendiées. C'est le final qui se cache bien là. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive? Nique ta mère! Non, mais la mosquée, y'a pas de problème. Monsieur, si vous allez à la mosquée, y'a pas de soucis. Rendez-vous. Finalement, ils ont provoqué, ils ont atterri dans la mosquée, ils ont attaqué femmes, enfants, pères de famille. Et puis voilà, les jeunes, ils sont pas contents. Là. Une émeute. Voilà. Qui te colle là? C'est vrai que c'est une bonne question. Ça. Un rassemblement de personnes qui veulent se faire entendre. C'est un affrontement entre les forces de police et les jeunes des quartiers. Pour moi, une émeute, c'est un rassemblement de jeunes et d'essayer d'aller foutre le bordel en fait. Avec des pierres, des cocktails Molotov, tout ce qu'on a sous la main, quoi, pour canarder les keufs. Vous tirez, hein, c'est facile, hein. Nous on n'a pas d'armes, on a que des cailloux. Le système, ils sont armés, nous on n'est pas armés, donc on fait avec ce qu'on a, ce qui est projectile, ce qui peut servir à incendier, voilà. On essaye, j'ai bien dit, de taper là où ça fait mal, mais bon. Je dis pas que tout le monde a toutes les raisons. Tout le monde, tu sais, on a tous tort à un moment, tu vois. Mais chacun a sa petite raison. Peut-être que celui de 26 balais, il s'est déjà mangé, tu vois, une hagra un soir comme ça. Il était posé tranquillement, il s'en est déjà mangé une. T'en as peut-être qui se sont déjà fait péter pour rien du tout. T'en as qui aiment pas les flics tout simplement. T'en as, ils savent pas pourquoi ils caillassent, mais ils vont caillasser parce que leur pote ils caillassent. Tu vois? C'est une spirale, c'est un engrenage. Et après, tu peux te retrouver très vite à 20-30 personnes qui jettent des cocktails sur les flics, tu vois. Je pense que dans le fond, pour être honnête, hein, tous autant qu'on est, quand on habite dans une cité, à un moment, on était victime d'une injustice. Après, on se dit peut-être que allez, c'est la bonne occasion de leur faire payer l'injustice qu'on a vécue. On était limite dans un état de siège en fait, parce qu'on avait des camions de CRS en fait qui circulaient autour de la cité en fait, et qui même le soir où vraiment tout a éclaté, qui empêchaient les allées et venues en fait. On pouvait limite pas sortir de la cité et pas y entrer. On se sentait concerné par la mort des petits, tout ça, mais sinon, on comptait rien faire. C'était quelques agents de là-bas qui venaient qui s'est titillé un peu. Bon, ils ont ramassé quelques cocktails Molotov, mais il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de... C'est pas vraiment parti en vrille, quoi. Et en plus, à cette époque-là, il y en a beaucoup qui sont en prison. Ah ouais, la plupart, ils étaient en prison, donc voilà. Ça fait ceux qui restaient là, c'était les petits, là. On va dire qu'il y a eu plus... La crainte a été plus auprès des parents, quoi. C'est « Ouais, sortez pas, là c'est chaud. » Eux, c'est « Vous restez pas dehors si la police, elle est là, en fait. » Et pour les enfants, ben attendez, on est chez nous, quoi. Si on veut rester dehors, on reste dehors. Afghanistan. Par mesure de sécurité, je vous demande de circuler. C'est pas touché. On est là parce qu'on attend nos amis là, on rentre avec eux. Nos amis, on rentre tous ensemble. Bonjour. Une pièce d'identité, s'il vous plaît, à nous présenter. Bien sûr. Ouais, c'est tous les soirs comme ça, ça fait 3 semaines. Ils viennent, bah là, regardez, puisqu'il y a une caméra, s'il n'y a pas de caméra, bah c'est autre chose. Ouais. Vous enlevez les mains des poches, s'il vous plaît. Pas de couteau, pas stupéfiant. Oui, c'est bon, mon frère. Tranquille. Vous avez vu comment c'est, hein? Depuis un mois et demi, il y a en permanence des CRS, il y a en permanence des contrôles d'identité. Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau. Et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade. Prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. À quelques heures de Barcelone, se sont coupés des menus. Et sans patron, tout refonctionne. On sourit dans les ateliers, sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle. Des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et c'est La Voix sans maître. Du coup, on était dans les émeutes de 2005 et on a fait un petit détour par l'Espagne de 36 avec René Vinané. Et tout de suite, on va revenir en vous lisant un dialogue en fait qui a été traduit dans une revue qui s'appelle Avalanche, correspondance anarchiste, qui est parue en novembre 2014. Qui est un texte qui date du coup d'octobre 2014 et qui a été écrit par deux compagnons des États-Unis et qui revient du coup sur le soulèvement de Ferguson. Du coup, ces deux personnes, dont une était à Ferguson pendant les émeutes, qui ont suivi du coup l'assassinat d'un jeune noir à Ferguson. Et une note n'y était pas, et c'est un dialogue entre ces deux personnes. Juste pour préciser un petit truc sur le texte qu'on va lire, à de nombreux moments dans le texte, il est question de QT, et du coup, les QT, je sais pas comment il faut dire ça, sans doute plus comme ça, c'est un espèce de grand centre commercial fast-food qui a aux États-Unis. Du coup, c'est un magasin qui a eu une place centrale dans les émeutes de Ferguson, et du coup, ça fait référence à une grande surface. On commence tout de suite. L'expérience la plus intéressante faite par des rebelles dans la région de Bay Area au cours des dernières années a été d'établir Oscar Grand Plaza, la base d'Occupy Oakland, aussi connue comme la commune d'Oakland, comme une police free zone à l'automne 2011. La logistique de cette expérience était en fait assez simple. Chaque fois que la police a tenté d'entrer dans le campement, une foule se rassemblait autour d'eux et les forçait à la quitter. Parfois, cela signifiait crier, tandis que d'autres fois, c'était simplement une question d'informer les officiers qu'ils auraient une émeute sur la main s'ils pénétraient. Les gens du campement ont pris plusieurs mesures pour se défendre de la présence de la police. Matériellement, les communards stockaient du matos pour construire des barricades et des projectiles à utiliser contre toute présence policière indésirable. Ils se réappropriaient les barricades de police pour leurs propres besoins et construisaient les leurs. Ils ont arraché les pavés de la place pour qu'ils puissent ainsi être lancés contre les raids de la police. Culturellement, l'ambiance de cette police free a été produite en favorisant l'hostilité envers la police et à partir de la culture de résistance de rue contre eux. Lorsque le campement a été placé en état de siège, les flics et leur commissariat ont été victimes d'une vague chaotique de représailles. Comme les manifestations et les émeutes contre la police finissent toujours par atteindre leurs limites avec le temps, nous nous sommes demandé comment maintenir cette suspension de l'ordre plus longtemps que quelques jours. Une possibilité est que la culture des zones libérées de la police pourrait apporter une réponse à ce dilemme. Si par le maintien d'une zone sans police, la commune d'Oakland a offert une contribution à la lutte de tous ceux qui travaillent à créer des territoires contre la police, à rendre leur maison, leur quartier, leur ville entièrement hostile à l'occupation de la police, on pourrait faire valoir que le récent soulèvement à Ferguson a considérablement élargi cette expérience. Il semble que la révolte à Ferguson est sans précédent au cours des dernières années, ou même dans la vie de beaucoup de gens, en termes de durée, mais aussi d'intensité de ce qui est arrivé. Il semble également que, tout comme à propos de la situation à Oakland, les gens de Ferguson ont réussi à agrandir l'espace et à créer une zone sans police de façon plus combative que ce qui avait été fait auparavant. Je suis d'accord jusqu'à un certain point seulement. Je pense qu'il y a eu des pas en vue de la création d'un espace libéré et d'une zone autonome. En général, je pense que l'émeute est une situation où un espace est ouvert à l'abri de la police et les lois de l'État. Ainsi, chaque nuit où il y avait des émeutes, restaient temporairement ouvertes ces zones sans loi et sans police. Ce qui a été différent des autres émeutes était la persistance du caractère émeutier. Même après 3 jours d'émeute, les gens revendiquaient le QT brûlé comme pivot central de l'activité du soulèvement. Je pense que l'importance du QT a été d'élargir l'autonomie et le désordre des émeutes de la nuit à la journée. Et ce serait malhonnête de dire que le désordre et le sentiment anti-police des émeutes a intégralement été transmis au QT. Il y a eu des moments où des policiers de haut rang sont venus sur le parking pour faire des déclarations à la presse, mais cela a au moins permis de créer un environnement qui leur était incroyablement hostile. Et en général, chaque fois qu'une patrouille ou un agent de bas rang était en vue, ils ont été attaqués ou dégagés de la zone. Il était évident pour la police, comme pour les participants de la rébellion, que le QT était notre espace, pas l'espace de la police ou des capitalistes. Il semble plus facile pour les gens qui n'étaient pas là de voir les choses les plus spectaculaires. Le pillage, les incendies, les molotovs. Mais malheureusement, les efforts pour créer un espace sans police sont plus difficiles à voir de loin pour les gens. Il semble évident que c'est vraiment central dans la férocité de ce qui se passait. Comment vous avez ressenti le fait d'être à la QT ? À quoi ressemblait cet espace ? Mais aussi, quels étaient les moyens plus spécifiques utilisés par les gens pour empêcher la police de venir là ou dans d'autres zones ? Eh ben, pour la plupart d'entre eux, le QT était ce lieu incroyablement festif et joyeux pendant la journée, où les gens faisaient des graffitis, apportaient des barbecues géants et distribuaient des centaines de hot-dogs. Tout le monde apportait de l'eau à partager, rien ne coûtait de l'argent, tout était gratuit. C'était devenu un centre culturel bizarre aussi. Il y avait des rappeurs, des gens qui font de la breakdance, du strip crew, des adolescents, un strip crew des adolescents est venu. Il y avait une atmosphère de fête, de rue joyeuse parfois. En même temps, des gens distribuaient des masques pour la nuit, partageaient les histoires de nuit passée. À un moment, j'ai traîné avec un homme qui partageait des photos de toutes les chaussures qu'il avait pillées la nuit d'avant. Et nous avons échangé des histoires. Les gens parlaient de ce qu'il faudrait faire s'ils envoyaient des gaz lacrymogènes de cette direction. Quoi faire s'ils arrivaient de l'autre direction. Ainsi, en même temps qu'il y avait cette atmosphère festive et de célébration, c'était aussi clairement un espace où les gens formaient des stratégies et parlaient et s'engageaient. Comme c'était le point central de rassemblement, chaque jour où tu y retournais, tu commençais à voir des gens et à connaître des visages. Peut-être certains auxquels tu avais parlé la nuit précédente, ou avec lesquels tu t'étais engagé dans quelque chose d'autre, et que tu serais en mesure de revoir et de parler avec. On commençait à établir des relations et à partager des idées. Ce fut vraiment excitant. Dans la nuit, la police finissait toujours par pousser les gens vers le QT. Mais même si le QT était à moins d'un kilomètre de l'endroit où la plupart des affrontements se produisaient, ils n'étaient pas souvent capables de l'atteindre, qu'après des heures et des heures de combats de rue. Cela leur prenait autant de temps parce qu'ils étaient terrifiés de venir dans la foule, en particulier de jour, quand il y avait des milliers de personnes autour d'eux. La région de Saint-Louis a toute une histoire de policiers pris pour cible, et la police était très consciente de ça. Les policiers savent que les gens sont armés et prêts à tirer. Dès le début du soulèvement, les rebelles l'ont posé très clairement. L'une des premières choses qui s'est passée après qu'ils aient assassiné Mike Brown a été des coups de feu en l'air. Et puis le dimanche, la première nuit d'émeute, les gens ont de nouveau tiré des coups de feu pendant le pillage. Je pense à une situation particulière où la police a essayé de pénétrer dans le coin et les gens ont formé une ligne pour les affronter. Quand la chafouerie s'est terminée, la police a lâchement gazé la foule et est partie. Il y a eu immédiatement des coups de feu en direction de la police tout au long de leur retraite. On pouvait entendre des coups de feu partout et voir des gens sauter des voitures pour tirer sur eux, tirer dans leur direction. Les gens ont appris qu'on n'a même pas besoin de tirer sur eux. Le simple fait de tirer dans leur direction ou de leur faire savoir qu'on était armé était suffisant pour maintenir la police à distance. Les armes les tenaient ainsi à l'écart. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ce niveau d'action armée flagrante dans une émeute ou une manifestation, ou comment vous voulez appeler ce qui se passait là-bas. Deuxièmement, l'autre chose que je n'avais jamais vue auparavant, spécifiquement à cette situation, était la culture de la voiture et la façon dont les voitures ont été utilisées de plusieurs manières pour emmener la police, la bloquer ou juste l'entraver. West Florissant, la rue principale, où toutes les émeutes, les pillages et les combats se passaient, est une autoroute à quatre voies. Et donc, de haut en bas de la route, les gens y naviguaient avec d'innombrables voitures remplies de gens, de musique, de la musique tonitruante à fond, une demi-douzaine de camions de gamins sur le capot, et en klaxonnant pendant que tout le monde hurlait. Cela a créé une situation où il était impossible pour la police de conduire au milieu de la foule. La quantité de voitures était si dense, et aussi le bruit général s'ajoutait à la folie de la situation, de sorte que c'était complètement dingue d'être là. C'était une situation qui était complètement incontrôlable et ils ne savaient pas du tout quoi faire. S'ils venaient à pied, ils étaient attaqués. S'ils venaient en voiture, leur voiture serait vite coincée et ils seraient attaqués. Beaucoup d'armes étaient aussi planquées dans les voitures. Les gens étaient donc mobiles et armés. Parfois, les voitures elles-mêmes étaient des armes. Une nuit, les voitures ont enfoncé la ligne de police. Les gens utilisaient les voitures comme des barricadages. Tout le monde conduisait et garait les voitures dans les rues pour former des lignes derrière elles. Je me souviens d'un moment où deux jeunes filles ont garé leur voiture capot à capot en bloquant les quatre voies de la circulation. Et que de l'autre côté des voitures, face à la police, tout le monde avait des fusils. Les voitures ont été utilisées comme des barricades, à partir desquelles tirer, comme moyen de rester mobile, comme des véhicules de parade, et en général de façon à semer la confusion et à intimider la police. Je pense donc vraiment que ces deux choses particulières à Ferguson, la culture des armes à feu et la culture de la voiture, ont contribué à créer et à préserver cette police-free zone autonome. Sans oublier le fait qu'il y avait des milliers de personnes qui participaient. J'ai l'impression, à partir de ces quelques comptes rendus, qu'il n'y avait pas seulement dans le QT, où la police avait peur d'entrer. J'ai entendu dire qu'ils limitaient essentiellement leur activité à West Florissant et qu'il y avait certaines rues et certains quartiers où ils n'entraient pas. C'est totalement vrai. En particulier, le quartier où vivait Mike Brown, Canfield Apartments, à côté de Candyfield Avenue. La police ne pénétrait pas dans cette rue. Les gens l'ont vite appris, mais l'ont aussi imposé. À la nuit tombée, lorsque la police chassait les gens de la rue principale, les gens reculaient d'un bloc ou d'un demi-bloc, et c'était souvent à partir de là où ils tiraient sur la police. Quand les flics patrouillaient sur la rue principale, ils se faisaient tirer dessus à partir des rues latérales. Chaque fois qu'un policier s'aventurait dans les rues secondaires, les gens se repliaient un peu plus loin, encore dans les quartiers, et ils essayaient de les suivre. Ils se faisaient tirer dessus à partir des buissons, des maisons, des voitures. Les gens ont brûlé des ordures dans les rues afin qu'ils ne puissent pas entrer. C'est donc ce qui s'est répété nuit après nuit. Les gens combattaient à West Florissant jusqu'à ce que la présence policière écrasante, y compris avec les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc, les chasse de cette rue principale. Ensuite, soit ils se battaient pour garder la police hors des quartiers, soit ils attendaient que le gaz se disperse pour aller se battre à nouveau dans la rue. En repensant au campement de la commune d'Auckland, il est évident que la création d'un espace où la police ne pouvait pas entrer a été cruciale dans cette lutte. Mais ce que je trouve encore plus merveilleux était que c'était plus qu'une simple zone défensive. C'était devenu une base où d'autres attaques pouvaient être menées. À plusieurs reprises, des manifestations ont pu partir du campement, et parce que les caméras des médias n'étaient pas autorisées à l'intérieur, c'était relativement sûr pour les personnes de changer de vêtements et de mettre des masques. Dans près d'une douzaine de cas, au cours des premières semaines du campement, des bureaux, des véhicules de police à proximité ont été saccagés. Penses-tu que l'espace arraché à Ferguson, au QT et ailleurs, a contribué à diffuser des manœuvres offensives au-delà d'être un espace pour se rassembler et se défendre ? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Il y avait des moments pendant la nuit où les gens pouvaient être là et s'organiser pour aller pied plus loin. Les gens auraient peut-être pris l'initiative de le faire, mais s'ils n'avaient pas été à Ferguson sur cette route, je pense vraiment qu'être là ensemble avec tout le monde a permis aux gens de commencer à agir collectivement. Nous étions là-bas une nuit et les gens ont commencé à scander « Walmart, Walmart !» et tout le monde a commencé à courir vers sa voiture, à faire des donuts et à décoller. Walmart était à 6 km de l'endroit où les émeutes avaient lieu, et sans le contexte d'un endroit où les gens peuvent discuter de « Oh, nous devrions aller pied Walmart !» et se sentir en sécurité et suffisamment à l'aise pour le faire, je ne pense pas que cela se serait passé. À certains égards, ça a permis ce type de diffusion, mais à d'autres égards, je pense que ça ne l'a pas fait parce que les gens étaient si attachés à cet espace qu'ils avaient libéré. Et ça se sentait vraiment comme un espace libéré, que les gens ne pouvaient pas imaginer de le diffuser et de le quitter. Les gens étaient tellement concentrés sur le QT et Canfield et West Florissant qu'il semblait difficile d'imaginer les émeutes se propager à un autre endroit. Cet espace était devenu si important pour les gens et pour cela aussi qu'ils étaient prêts à faire beaucoup pour le défendre. Donc dans une certaine mesure, ça a été utilisé comme un espace pour planifier des attaques ou des expropriations dans d'autres parties de la ville, mais la rébellion ne s'est jamais vraiment propagée bien au-delà de la zone centrale. C'est une source d'inspiration que de t'entendre parler d'une partie de Ferguson comme d'un espace libéré, parce que c'est de la même façon que beaucoup d'entre nous considéraient le campement de la commune d'Auckland. La première chose qui est arrivée quand nous avons pris la place a été de changer le nom en Oscar Grant Plaza, et c'était presque comme si une incantation avait été prononcée. Les premières choses semblaient différentes quand on y était. Beaucoup de gens ont parlé du fait qu'ils sentaient le temps différemment lorsqu'on était dans cet espace. Les préoccupations et les pressions de leurs relations et de leur boulot et toutes les choses qui pèsent habituellement sur eux semblaient s'évanouir lorsque les gens entraient dans le campement. Je pense que plus de choses semblaient être possibles dans cet espace, et pour moi c'était quelque chose que je n'ai pas connu ailleurs. Cette immense ouverture de possibilités et la capacité de parler aux gens d'une façon qui semblait auparavant impossible. Cela sent comme un monde entièrement différent, si loin d'une vie de travail et de responsabilité et des indignités. Dans ce sens, c'est peut-être ce qui est en jeu dans la création d'espaces comme celui-ci, la création de lieux magiques où l'on peut découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes. Complètement. De beaucoup de façons, cela semblait similaire. Un des petits rôles que les anarchistes ont eu était d'insister sur un changement de nom pour l'OQT. Les gens commençaient à l'appeler Mike Brown Plaza comme une sorte de réminiscence du mouvement d'occupation. Il était clair que nous n'avions pas reçu le droit de nous réunir, de manifester ou autre chose. Tout le monde savait que nous ne pouvions faire ce que nous faisions parce que nous l'avions pris. Et à cause de cette connaissance que nous avions pris le pouvoir des mains de la police, du maire et du gouverneur, l'espace est devenu incroyablement important pour les gens. Donc oui, une chose semblable est arrivée. Le temps n'avait plus de sens. D'une certaine manière, vous étiez là et tout d'un coup, 8 heures avaient disparu. Je me souviens d'une nuit, nous étions tous à traîner, il y avait eu beaucoup de pillages, les magasins d'alcool étaient en feu et nous étions tous assis autour en train de le regarder brûler. Et cet homme dit... « Fuck, quelle heure est-il ? Je dois aller travailler demain. » Notre amie riait parce qu'elle devait aussi aller travailler le matin et elle a demandé « Vous voulez vraiment savoir ?» Et il a répondu « Non, fuck that. On s'en fout du temps, nique le travail, ça n'a pas d'importance. » Et il est reparti faire la fête. Donc oui, les choses ont changé. Et comme tu l'as dit, la capacité de parler aux gens a vraiment changé. Saint-Louis est un endroit où la ségrégation est incroyablement forte, où la tension raciale est réelle et viscérale. Mais là, la pression est redescendue. Les gens pouvaient voir qui était là. Les gens pouvaient voir « Oh, tu es ici, je suis là aussi. » C'est une chose que nous partageons en commun et qui peut nous lier. Cela était particulièrement vrai entre les gens qui militaient dans le soulèvement. Un respect mutuel s'est développé parmi les gens qui se battaient. Donc c'est devenu beaucoup plus facile de parler aux gens, ces identités, ces contraintes que la société met sur nous pour nous maintenir séparés. On commence à disparaître, même juste pour de brefs moments. Évidemment, il y avait encore pas mal de dynamiques intenses autour de la race et des genres ou des motivations perçues par les gens, mais d'une certaine façon, cela commence à se dissoudre. On va terminer cette émission après cette petite lecture. Du coup, on peut la trouver ce dialogue, il est sur internet facilement en cherchant la revue Avalanche. Et du coup, c'est la fin de La Voix sans maître. On vous dit à la semaine prochaine et on vous laisse avec Louis-16 et un morceau qui s'appelle La Marche. Gardez le smile.